Vous souhaite la bienvenue dans Sans pleurer, sans reproche. Ce sont deux heures d'émission en direct dans les studios de Galaxy Radio dédiés aux musiques électroniques de façon générale, avec un petit penchant pour le sombre. Quoique ce soir, c'est un petit peu poppy quand même, Greg, ta sélection de la semaine. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. C'est peut-être pas le bon terme, poppy, c'est peut-être pas ça. Non, pas du tout, au contraire, c'est plutôt dandy de l'électro. Ça fait quelques temps que je vous parle de cet album. Et donc, je l'ai enfin reçu de la part du label Yotanka, que je remercie. C'est le nouvel album de Yann Wagner, Couleur Chaos, et son troisième album studio. Et à chaque fois, il renouvelle ses expériences musicales. Et là, en l'occurrence, pour ce troisième album, il est complètement décomplexé avec un chant en français et une voix tellement torride que forcément, ça séduit tout de suite. La musique est purement, une sorte de crossover, un hybride de toutes les bonnes choses des années 70 et 80. Il y a aussi un petit concept autour de cet album. Je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, c'est très inspiré des souvenirs des fêtes des années 70-80. Voilà, ça parle beaucoup d'amour, mais beaucoup de cœur brisé plutôt. On s'est écouté le titre Parfum, qui est également disponible en vidéo sur les différentes pages YouTube ou encore Facebook de Yann Wagner ou du label Yotanka. Je vous recommande d'aller voir. Il y a un petit côté décalé, mais vraiment, vraiment bien fichu. C'est un grand, grand artiste. Il y a un sacré parcours, je vous en parlais tout à l'heure. En tout cas, notre sélection de la semaine, c'est Yann Wagner, Couleur Chaos. Et je suis vraiment content de vous le présenter. C'est vraiment, c'était mon album de l'été. Je l'ai beaucoup, beaucoup usé. Voilà, moi, je te propose de poursuivre l'émission. Merci, toi. C'est le rappel de la semaine dernière. C'est pas possible. Des Shiny Darkness. Oui, tout à fait. Alors, on va rester dans la synth-pop quand même, il faut l'avouer, avec donc cet album Attractive qui aussi apporte son lot de surprises et de nouvelles orientations musicales, beaucoup plus colorées que les albums précédents. Shiny Darkness sera en concert ce samedi à la Brad Cave à Lille, rue Barthélemy de l'Épaule. Et on ne peut que saluer aussi leur passage la semaine dernière, un petit peu rapide, enfin un peu vite fait, puisqu'il est en soirée promo ce soir-là. Il reviendra. Bah oui. Je vous propose de retrouver le titre X-Ray qui m'avait fait beaucoup de sensations. C'était un single avant-coureur de cet album Attractive. Tout ça, c'est par une autoproduction. Vous pouvez tout trouver sur Bandcamp et sur le site de Shiny Darkness. Donc voilà, X-Ray, c'est pour moi le titre le plus sautillant, voire italo-disco dans les influences. Mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. Après Shiny Darkness, on retrouvera Trent Muller et son nouveau single, avec toujours en featuring sa compagne. Le titre, c'est In the Gloaming. Et on terminera avec une nouveauté tout à fait surprenante qui s'appelle Yo Kosho. Derrière ce nom assez étrange, se trouvent de grands artistes de la scène électro. On se fera un petit retour dans les années 90 de la pure house music, même acide, avec donc le titre Data. C'est parti, donc Shiny Darkness, Trent Muller, Yo Kosho, que de la nouveauté dans Sans pleurer sans reproche. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Sans reproche. Ready for takeoff. I'll make you understand. Oh, Activation. Les fantastiques Shiny Darkness avec X-Ray, c'est l'album Attractive qu'on vous recommande. C'est une initiation au voyage dans le monde musical de Shiny Darkness, à retrouver sur scène ce samedi à la Brad Cave à Lille. Juste après, c'était Trent Møller, ce fameux producteur venant du Danemark. Il a son fief à Copenhague en créant bien deux labels, notamment Affen Music et In My Room. C'est de ce label satellite que provient ce nouveau single de Trent Møller. Il s'appelle In The Gloaming. C'est paru en CD single très récemment. Et cela annonce un nouvel album. Vous avez pu vous rendre compte de la qualité qui règne dans la musique de Trent Møller. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Tout ce qu'il produit d'ailleurs est d'excellente qualité. Ensuite, on a terminé avec Yoko Sho. C'est un newcomer, je pense. Il s'agit de producteurs venant d'Anvers, en Belgique, et qui ont été recrutés par l'excellent label Insult to Injury, qui n'est autre qu'une branche du label britannique Ransom Note Records. Je reçois pas mal de promos digitales de ce label à chaque fois, c'est très très intéressant, toujours dans une électronique bien souvent instrumentale. Et là, bien ces Anversois rendent hommage à la musique belge des années 90 avec un EP 5 titres, dont un remix réalisé par le célèbre Timothy Clarkin. Ce EP s'appelle Everyday Diamonds et c'est franchement une bonne nouvelle. J'ai adoré ce titre Data qui m'a rappelé les grandes heures de la New Beats. Walter, je te laisse la suite de la prog. On fait un deuxième passage sur le EP Nomenclature 01 de Kalt. Et franchement, c'est dur de sélectionner un morceau sur cette excellentissime EP de Kalt. Il y a trois inédits vraiment géniaux et trois remixes, dont un de Paralyzer, un de Wolf 7 et un de Psychosomatique que j'ai sélectionné. Allez directement sur Bandcamp du groupe pour commander ce EP. Accompagnez-le de l'album de Psychosomatique et celui de Wolf 7, ce sont tous des camarades. Ce sera le morceau Golem en Art Club Mix par Psychosomatique. Et si Psychosomatique remix Kalt, Kalt remix Psychosomatique sur le EP Damage Done. J'avais diffusé le remix de Novakill. Il y a aussi des remixes de Spank Dunnen, Kettner et Isarlik, Alvolf Flox, qui a bossé dans Adan Ellis. Il y a divers jeux et Eleven Grimes et Kalt qui se sont totalement réapproprié le morceau Damage Done. Le résultat est vraiment très très bon. Et on terminera cette séquence avec un petit remix de Peter Redman. Oh, il a passé aussi. Salut, c'est Mike. Et moi, c'est Fred. De Psychosomatique. Vous écoutez Sampler et son proche. Sur Galaxy FM. Appears from the dead end, the flood lights in haze. Your blood trumps betrayal. What happens, what breaks? the steps running faster, and you're giddy drunk. By pressure take over for you, but I sunk. Adrenaline beast. C'était Calte avec le morceau Golem en Art Club Mix par Psychosomatic. Et ensuite, c'était Psychosomatic avec le morceau Damage Done en Calte Remix. Retrouvez tout ça sur Bandcamp. Et pour terminer, c'était davantage avec le morceau Capture and Tension. C'était le People Theater Beasties Mix de l'album digital Special Grooves. C'est une bonne idée pour davantage de se faire remixer par différents artistes sur des morceaux apparaissant sur divers albums du groupe. Et la compile démarre directement avec le très bon remix de Peter Henman. Il est vraiment excellent, bien meilleur que celui de Suicide Commando, Soman ou encore Lights of a Fire. Il y a aussi un inédit, une reprise de Joy Division et une de Death in June. Bravo Peter! Allez, je prends le relais avec une nouvelle séquence de trois titres, encore que des nouveautés. Bon, j'ai reçu pas plus tard qu'hier deux titres du nouvel album des Danois, aussi comme Trent Muller, le duo de Crackdown. Nouvelle production qui s'intitule Worn Out Alphabet. C'est paru en digital sur leur propre Bandcamp, une autoproduction. Et qui regroupe pas mal de nouveaux morceaux. Hein. Il y avait eu quelques singles digitaux que nous avait confié le groupe il y a quelques mois, même quelques années. Donc là, c'est une sorte de compilation des dernières productions, remasterisées, reconfigurées. Et Crackdown nous propose une musique excellente, de l'électro, entre mi-teinte entre électro-pop et électro-industriel façon Skinny Puppy. C'est vraiment très très bien fichu. Donc je vous proposerai le titre « Worlds of Happiness » que le groupe nous a confié. Ensuite, un petit clin d'œil au groupe Crackdown, qu'on apprécie beaucoup ici à Sans Pleurer Sans Reproche. Je suis quasiment sûr que le nom du groupe provient de l'inspiration d'un autre groupe tout à fait référentiel. C'est Cabaret Voltaire qui, en 1983, propose l'album Crackdown. Et j'ai décidé de faire le lien avec ce titre, Crackdown, en radio-édite, datant 83, tout ça paru sur un CD compile qui s'appelle Electropunk to Technopop, 1978-1985. Cabaret Voltaire étant une référence du label Mute Records. Et pour terminer, toujours dans une sphère électro-industrielle proche de Skinny Puppy, Frontline Assembly, Placebo Effect, c'est tout ce qu'un. Toutes ces choses qui ont inspiré Jan De Wolf et son projet Mildreda. Nouvel extrait ce soir de son album I Was Never Really There, qui signe chez Dependent Records, qui est une bonne chose, un exploit même. Ce sera le titre Echoes en featuring avec Dirk Evans. C'est parti, Crackdown, Cabaret Voltaire et Mildreda. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, Sampleur et Sans Reproche. Toute l'actu Electro-Indus sur l'île. Hi, we are Crackdown from Aarhus in Denmark. I'm Lasse and this is Kim. Right now you're listening to Sample et Sans Reproche on Radio Galaxy. I always love when they do. of happiness. I need to die all alone. Your words make me devious. I need to leave on my own. We'll be right back. Une sacrée séquence, Walter. Ouais, génial. T'as beaucoup apprécié. Hein, carrément. Oui. Donc là, dans les atmosphères plus de l'électro-industriel, on a commencé avec Crackdown. Il s'agit du projet de Kim Holm et Lars Bangsted, basé à Aarhus, au Danemark. Ça fait quelques années qu'ils nous envoient toutes leurs promos en digital. Et là, ça y est, c'est la sortie, enfin, un vieux projet qui aboutit, l'album Worn Out Alphabet. On s'écoutait le titre Words of Happiness, confié par le groupe. On les remercie. Ensuite, c'était Cabaret Voltaire avec Crackdown, un titre et un single également, le nom d'un album qui s'appelle The Crackdown, paru au début des années 80. Il s'agit d'une radio edit version datant de 83, extrait de hashtag 7885, sous-titré Electropunk to Techno 1978-1985, paru chez Mute Records, et c'est simplement génial. Et pour terminer, Mildreda Jan de Wolf en featuring avec Dirk Evans, à savoir que Mildreda donc, avait produit le dernier album de Dirk Evans, l'album de Dive, c'était vraiment très très réussi. L'échange est fraternel sur ce titre qui s'appelle Echoes. L'album s'appelle I Was Never Really There et paru chez Dependent Records. Walter me disait hors antenne que ça aurait été vraiment génial de le passer en sélection de la semaine. Ouais, je pense. Mais bon, il n'est jamais trop tard. En tout cas, voilà, j'ai entamé la présentation de cet album parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour vous le présenter. C'est vraiment de l'électro-industriel de très très bonne qualité. Allez, on poursuit l'émission. On va retrouver la sélection de la semaine. Yann Wagner, bien que j'affectionne depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de son troisième album, présenté ce soir, Couleur Chaos. Une révélation et un changement de tempo également. Toujours crossover synthétique pop. Mais là, on retrouve des choses beaucoup plus funky. Même des fois dub sur certains morceaux. C'est assez déroutant. Il est accompagné de deux musiciens qui apportent vraiment quelque chose de très chaleureux dans la musique. Le premier single s'appelait Brexit et le second single Parfum. On a d'ailleurs débuté l'émission avec. On va donc retrouver un nouvel extrait de Couleur Chaos, paru sur un label français qui s'appelle le Yotanka, paru en vinyle et en CD. 11 titres qui donnent souvent des clins d'œil aux relations amicales, amoureuses. Là, il ne s'agit pas d'amour, mais plutôt de passion fauve, des histoires d'un soir. Et beaucoup de ruptures sont donc détaillées dans les textes de Yann Wagner. C'est poignant, c'est la façon dont il chante, son phrasé est absolument incroyable. Sa voix est assez aussi originale. C'était un véritable crooner. D'ailleurs, il met un costard de dandy dans les différents clips vidéo, ou bien encore le visuel de l'album. On se retrouve plongé dans les soirées arrosées des années 80. Et il raconte ses histoires. Je vous propose maintenant de retrouver le titre, déjà diffusé dans l'émission, mais c'est vraiment le titre que j'affectionne particulièrement sur cet album. Ça s'appelle Plein Phare. Soyez-en sûr, Yann Wagner fait hommage toujours à la synth-pop et la new wave. Et on retrouve bien sûr pas mal d'influences différentes. Il ne reste plus qu'à vous laisser avec ce deuxième extrait. Donc ce sera Plein Phare, Yann Wagner. Un titre, une sélection de la semaine que je vais dédier bien sûr Ingrid. Red Planet. Galaxy. Nouveauté. We'll be right back. salut, c'est Yann Wagner. Vous écoutez Sans pleurs et sans reproches sur Galaxy Radio. Fenêtre ouverte, j'entends tout le monde baiser. Est-ce que le monde m'entend quand je baise avec toi? Le haut danger est prêt à exploser. Plein air, je confonds le milieu et la mort. Geste-moi où cette ville est possédée. Ou bien est-ce l'été qui n'en finit jamais? Fenêtre ouverte, me jette tout en vrac. Plein phare, je confonds le milieu et la mort. Sans crève d'envie, je manque de cran. Je sens que le ciel, non, je sens plus que ça. Je me sens plus venir. Sans crève d'envie, je manque de cran. La fille première encore déchaînée. Sur le perchoir au petit matin, la pointe du nez grillant sur ma main. Y'a des lueurs au fond du ravin. Plein phare profond, le milieu et la main. Je sens que le ciel long, je sens plus que ça. Je me sens plus venir, tant crève d'envie. Je manque de cran. Je sens que le ciel long, je me sens plus venir, tant crève d'envie, je manque de cran. Voilà, j'espère que vous avez apprécié Yann Wagner et que vous êtes tombé amoureux de votre partenaire ce soir. Tu me fais peur. Non, mais c'est vrai. Bah, Ingrid aussi, elle va avoir peur, je crois. Plus sérieusement, en tout cas, voilà, c'est de la musique de originale et de très très grande qualité. Voilà, nouvel extrait la semaine prochaine. Walter, une petite rubrique news, ça te plairait ? Ah oui, bah oui, ça fait du bien d'en faire hein, quand même. Après cette longue absence de l'agenda. C'est un gros week-end. Hein. Ce samedi 25 septembre, il y aura la Retro House Industry. Au restaurant L'Industrie, situé à Saint-André-les-Îles. Les places sont limitées. Je pense pense que c'est Soldot, si je ne dis pas de bêtises. Et tout est organisé par l'excellent Will Turner. Toujours samedi soir, sur Lille, Shiny Darkness et Denis L. Ellie. Ils joueront à la Brad Cave de Lille, ça commence à 19h. Ça aussi, ça va faire du bien de les voir. Oh putain, ouais. 25 septembre, c'est un petit peu loin, mais bon, c'est une super date. Il y aura Tote. C'est son anniversaire d'ailleurs, Fred. C'était hier ou avant-hier. Et il y aura Calt. Ça se passera au Dock de Grenoble. Ça commence à 21h précise. Soyez à l'heure. Et en DJing, il y aura Sylvain, Dr Body et Dark Therapy. Prix d'entrée, 5€. C'est absolument rien. Et à propos de Calt d'ailleurs, oui, tu voulais rebondir sur une date. Tout à fait. Ben, le groupe, on est en correspondance régulièrement avec eux. Et puis. C'est vrai qu'on pouvait saluer leur date qui va avoir lieu très bientôt en Suède, 29 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec Qual et Nuclear Sludge. Et ce qui est une très bonne chose au Hus Zibben à Stockholm. Je vous rappelle la date, c'est le 29 octobre, un vendredi. Donc si vous voulez faire un petit voyage en amoureux, sur le week-end d'Halloween, eh bien voilà, allez applaudir les copains de Calt. La date est sympa. Je reprends la main avec le 26 septembre, il y aura Peter Hook, La Madeleine de Bruxelles. Le 30 septembre, il y aura Original Band à la pause de Villeneuve-d'Ascq. Ça se passe juste en face du gros stade de foot. C'est 235 boulevard de Tournai, l'entrée est gratuite. Oh, on a oublié une date cette semaine. Ça sera la Groovebox Summer Session. Ça se passera au Bistrot Saint-Saud de Lille. Ça commence à 18h jusqu'à 23h. Il y a nos potes, vous savez, ceux qui enquillent juste derrière nous chaque lundi soir, ils font 22-23h. Ce sont nos potes de I Begin Sound. Ils seront accompagnés de Skunk Lab Records. L'entrée est gratuite. Le 2 octobre, il y aura Ante et We Are Hope People au Der Klinker de Aarschot. Toujours ce même jour, il y aura Implant Human qui font leur release party de leur nouvel album. Ça sera au Fétiche Café de Anvers, prix d'entrée 15€ pour un début à 20h. Et toujours ce 2 octobre, c'est dommage, c'est la même journée, mais bon, c'est comme ça. Il y aura Particule et The Ultimate Dreamers qui feront aussi leur release party. Ça se passera au Cali Club de Bruxelles. Il y a une soirée DJ juste après. Moi, j'ai une date de ouf aussi. C'est là dans le coin, hein, c'est à Wascal, vient d'ouvrir une nouvelle salle de spectacle, également au restaurant. Enfin bref, un petit complexe fort sympathique pour, eh bien, pour les fans de musique. Ça s'appelle, le lieu s'appelle The Black Lab. Et ça se situe 8 rue des Champs à Wascal. C'est pas loin, eh bien, de la zone industrielle. Voilà, de la pilaterie. En collaboration avec la structure, l'asso Abon Productions, ils organisent un festival qui s'appelle Disorder numéro 1. C'est un festival post-punk 100% avec pas mal de groupes de labels très connus. Je vous donne la prog parce qu'il y aura plusieurs jours. Jeudi 23 septembre, Frustration dit Ambassade. Dire, plus des DJ de Radio RCV, des collègues. Le vendredi 24, il y aura Caméra, A-Mat, Drive with a Dead Girl, plus une after. Et le samedi 25, Unshowing, Dame Area, Fleuve Noir. Et donc voilà, plus une grosse after post-punk, New Wave, notamment par les membres de diverses émissions de RCV. Voilà, le Black Lab, donc accès du métro ligne 2 à Rey-les-Prés, vous ne pouvez pas louper. À mon avis, c'est un lieu qu'on va beaucoup fréquenter dans les prochains mois. Ça se pourrait bien. Très bonne initiative en tout cas, un véritable festival post-punk dans la région. Allez, on continue la programmation de Sampler et Sans Approche avec un groupe que j'ai cité dans l'agenda. C'est The Ultimate Dreamers. Vous connaissez toutes et tous les Fantastic Night organisés entre autres par Frédéric Coton. C'est un passionné de musique. Il nous a invités à l'occasion lors de ces soirées auxquelles on va avec vraiment un grand plaisir. Il s'est aussi illustré durant les confinements, vu sa position au sein de la grande université de biologie bruxelloise. Mais avant tout ça, bien avant tout ça, il faisait de la musique avec ses comparses Bertrand et Joël dans le groupe The Ultimate Dreamers. L'aventure démarre en 86 et 2 ans plus tard, ils sortent une cassette audio et les plans s'arrêtent là pour le groupe. C'est vrai que le confinement n'a pas eu que des effets négatifs sur nos vies. Il a permis à certains de décélérer complètement et de se replonger dans de vieux projets, en faire profiter des connaissances, comme c'est le cas pour The Ultimate Dreamers qui a fait écouter sa démo à Dimitri de Woolly Shop et les a signés directement pour un album qui sort plus de 30 années après sa création. Fred Coton est au chant, parfois la guitare, qu'il partage avec Bernard, et Joël est à la basse. Ils sont maintenant accompagnés de Sarah aux machines. Ils sortent l'album dont j'adore le nom. C'est Live Happily While Waiting Death. C'est un très bon album de Cold Wave, de post-punk, qui là, a vraiment tout son sens. On s'écoutera le morceau Never Dies. Thank you. The Ultimate Dreamers avec le morceau Never Die de l'album Live Happily While Waiting Death. Je vous rappelle que si vous voulez l'objet physique, hein, que ce soit en CD ou en LP, dirigez-vous sur Woolshop. Ben dis donc, c'était bien dépressif ce truc-là quand même. Et c'est sorti en 86. Hein. Wow. Ça sent pas la joie de vivre, la division de la joie quand même. Wow. Juste après The Ultimate Dreamer, c'était Stendek. Et le morceau 13 Wolves, Mass Conspiracy, de l'album Carnage, ça sort chez Hyman Records. Stendek, c'est vraiment le magnifique projet de Alessandro Sampieri. On l'avait remarqué avec ses trois premiers albums qui étaient parus chez les Canadiens de Jeska Records. J'adorais vraiment ce label. Stendek a la force de combiner plusieurs atmosphères en incitant au voyage. Franchement, le trip est garanti. Et petite nouveauté, il y a parfois un chant féminin qui donne un sacré cachet à la musique de Stendek. Cet album Carnage a failli passer en sélection de la semaine. Je vous avoue que l'agenda est chargé. Et en plus, c'est pas très radiophonique, surtout sur notre bonne antenne de Galaxy Radio. Pour finir cette séquence, Tone Burner avec le morceau Bar Bellama du EP Spectrum. Ça sort chez Cop International. Je pense que je deviens fan de Steven Archer avec son projet Tone Burner. Il sort cet EP Spectrum avec des remixes de Assemblage 23 ou encore Lights of Euphoria. Et il rajoute deux inédits. J'ai pas pu m'empêcher de diffuser l'un d'eux. Je vais bientôt vous présenter son album Apex Predator. Bah écoute, je poursuis avec une nouvelle séquence et encore des nouveautés, toutes fraîches, reçues là ces dernières heures. Je vais vous présenter ce soir le projet Allows Have. Il s'agit d'un projet français, issu d'un artiste qui officie depuis plus de 20 ans et passé par différents styles comme le black metal, et également la New Wave, plus tard avec le fameux groupe Press Gang Métropole. Il s'agit du projet de Sébastien Bernard, qui a décidé de créer Allows Have. Donc voilà, un son typiquement mélodique, puissant et sombre. Là, on s'enfonce carrément dans le Dark Wave, mêlé bien sûr à des influences New Wave indéniables. Il sort un EP 6 titres qui s'appelle Pitch Black Heaven. Je vais vous proposer le titre A Greater Pride. Franchement, très très intéressant. Ça nous est envoyé par une agence de booking, Dark Independent. D'ailleurs, je salue Céline pour le contact. Franchement, c'est une excellente surprise. Une tournée de Allows Have est en préparation. Donc, affaire à suivre. Vous allez voir, vous allez adorer. Ensuite, on suivra avec Peria Tout Mono, un projet farfelu qui nous vient de l'Amérique du Sud. Ils ont assisté avec leur association Rascacielos Podcast, je pense une émission de radio dans leur région, qui insistait pour que People Theater nous confie le son remix du titre Victima, qui est paru également en vidéo, disponible sur leur page YouTube ou Facebook. Alors il s'agit de post-punk là aussi, mais bon, remixé par People Theater, ça a tout autre goût. Il est à l'honneur ce soir. Ouais, tout à fait. Donc ça va pulser avec People Theater et Peter Rainman, qui remixe Peria Tout Mono, le titre Victima. Et entre deux, oui, j'oubliais, une super production, plutôt axée également Cold Wave. C'est le projet d'Anna Plateau, et un projet italien, qui propose de l'album qu'on a reçu en digital, Wrong Coats. Et on s'écoute pas le titre Shout to the Wolf. Vous allez voir, c'est surprenant. Ce sont des choses tout à fait nouvelles. Et très excitante à écouter. D'ailleurs, je me tais. À vous de vous exciter. Red Planet. We'll be right back. Salut, c'est Peter Heyman de People Theater. Vous écoutez Sans pleurs et sans reproches sur Galaxy FM. Sacrée séquence, on est très très heureux de vous présenter bien des nouveaux venus, notamment le projet français Allows Have avec A Greater Pride, extrait du EP digital. intitulé Pitch Black Heaven. C'est paru sur le label Anesthetize Productions. Et merci, oui, pas évident à dire. Et un grand merci à Céline Barger de Dark Independent Booking pour le lien. Franchement, on va suivre l'affaire de très près. Ça nous plaît beaucoup. Très bonne nouveauté. Ensuite, Dana Plato avec Shout to the Wolf, extrait de Wrong Coats, une autoproduction qui nous vient d'Italie. Là aussi, c'est de la cold wave de haute volée. Et on peut remercier la structure Metaversus Promo qui nous envoie cette production. Et pour terminer, bien, c'était Peria Tumono. C'est le projet de Alfredo Peria, un artiste de musique electronica basé en Argentine. Il a confié son titre à Peter Redman. Et franchement, le résultat est à la hauteur. Victima, qui est paru en clip vidéo disponible sur leur YouTube. C'est tout à fait sorti il y a quelques temps, là. C'est tout frais. C'est d'actualité. Et donc, on peut donc saluer le travail de Peter Redman, People's Theater, The Remixes. Et le tout envoyé par l'association Rascacielos Podcast. Bon, c'est une des collègues de Radiophonique, basée en Argentine. La fin d'émission, on t'est dédié, Walter. Ouais, écoute, ça va être une séquence qui va bouger du popotin avec en tout premier l'Irlandais de Biohacker. Ce sera le morceau de Gentle Act au Suffocation de l'album Slicker. J'avais déjà présenté cet Irlandais l'année dernière. Il a commencé la musique en 99 et il a formé Carb puis Sonic Shifter en 2014. Et depuis 2 ans, Biohacker. J'aime beaucoup sa musique. C'est un vrai mélange d'influence électronique influencée métal. Un petit peu gentil quand même, mais c'est très varié, c'est très très bon. On continuera avec Iron Court et le morceau Downfalls du split Detriti Split 2 du label Detriti Records. Alors Iron Court, c'est le projet d'un Turinois bien secret sur son identité. Et il partage ce split avec Mind Matter. Ils sont dans une EBM TBM uniquement instrumentale, propre à cette nouvelle génération. Et on terminera avec un inédit de Xenturion Prime. Ce sera le morceau Dark Tide. C'est extrait de la très très grosse compilation Procédé 100 de chez Progress Productions. 3 CD, 45 morceaux dont la plupart sont inédits. C'est pour fêter la 100e sortie du très très bon label suédois Progress Productions. Et on est très loin des compilations kilomètres que certains labels proposent. Ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'écurie du label sur cette compile. Je vous invite à consulter la liste des groupes parce que les énumérer serait totalement futile. Ils sont là. Allez, c'est parti, bah, Biohacker. Il y a moins de bruit que la semaine dernière, en tout cas. Du bruit. Allez, ils sont là. Biohacker, Iron Court, Xenturion Prime. Si vous êtes en direct, il y a des chances que la séquence ne passe pas en entier, mais c'est pas grave, retrouvez-nous sur le site de galaxyradio.fr dans la section replay. Vous nous retrouvez sur PodCloud, Mixcloud, iTunes, Deezer, archive.org, enfin, débrouillez-vous, même Amazon qui marche très bien d'ailleurs. Bon, toujours est-il que restez branchés sur Galaxy Radio. Nos potes de High Biggie Sound reprennent le relais d'ici quelques minutes. On les voit en direct en vivant d'ailleurs ce mercredi soir à Saint-Saul. Tu as tout dit, Walter. On se voit bientôt, on se voit juste derrière les studios, juste après alors. Bah ouais, écoute, il y a encore quelques fraîches okay. News à à digérer. Et qu'on partage avec vous. Santé à vous tous. Ouais, tout à fait. À tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, merci. Merci à encore. Tous les followers. Ciao. À la semaine prochaine. Thank you. Music remains on top.